mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Votre casque. Kepler 452b de Sébastien Bedbédé. Ce visage pourrait être le visage d'une personne que j'ai connue dans le passé. Pardon ? C'est à moi de vous parler ? Je peux m'asseoir ? Je vous en prie. Vous parliez de mon visage. Antoine ? Camille ? C'est bien toi ? Camille, ça alors ? Ça fait au moins... au moins 15 ans ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se prend dans les bras ? Ça paraît très normal, non ? Oui. Faisons ça. Prenons-nous dans les bras. Camille ! Mais comme tu as vieilli, c'est impressionnant. Je te remercie. Oh, je suis désolé, j'aurais pu garder ce sentiment pour moi et faire comme si de rien n'était, mais ça n'aurait pas été correct. Tu vis à Paris ? Ouais. J'ai quitté Bordeaux peu de temps après le lycée. Mon père a été muté, on s'est installé à Roissy. Tu connais Roissy ? Non. Enfin, je connais l'aéroport. Tu peux continuer à vivre sans t'inquiète. Moi, en tout cas, j'ai expérimenté tout ce que l'ennui peut permettre comme expérimentation pendant 5 ans. Je peux dire que j'en ai vu passer des avions. Et puis, j'ai emménagé à Paris. Et toi, alors ? Bah, raconte-moi. Moi ? Ben... À part être devenu un type qui fait beaucoup plus que son âge, qui perd ses cheveux et qui lit Le Monde sur un banc, je sais pas trop quoi te raconter. Tu vis avec quelqu'un ? Plus maintenant. Tu as un métier ? Oui, je travaille dans une galerie. Enfin, j'assiste un galeriste. Ah, ça doit être intéressant. Ça l'était au début. Mais je commence à plus supporter la mauvaise foi de mon employeur. Il se met à adorer des œuvres qu'il aurait détestées il y a 10 ans. C'est embarrassant. Je comprends. Tu sais, j'ai vu ton film. Ah bon ? Et tu l'as aimé ? Non. Je te remercie pour ta franchise. Ça aurait pas été correct de pas te donner mon impression. Et qu'est-ce que tu lui reproches à mon film ? Je l'ai trouvé manipulateur. Pas très inventif et surtout très démagogique. On s'aimait pas beaucoup au lycée, non ? Non. T'étais du genre solitaire ? T'écoutais Kraftwerk, Joy Division ? Des trucs un peu vieux, un peu dark ? Ouais, toi t'écoutais Blur, Pulp. T'avais des cheveux longs, tu portais des jeans slim. T'étais obsédé par les filles, je me souviens. Ouais, ça n'a pas vraiment changé. T'as des enfants ? Une compagne ? Deux enfants et je suis séparé. T'as revu des gens de l'époque du lycée ? Non. Et toi ? Moi, je suis resté en contact avec Thomas et Julien. Enfin, on est amis Facebook, mais on se voit plus. Tu prépares un autre film ? Ouais. Mais j'ai du mal à trouver des financements. Le premier, malgré sa démagogie, n'a pas vraiment été un succès. Alors c'est compliqué. Je vais devoir y aller, Antoine. J'ai un rendez-vous. Ben moi, je vais rester un peu sur ce banc à ressasser le passé. Tu m'as rendu nostalgique. On se serre la main, hein ? Oui, serrons-nous la main, c'est mieux. Qu'est-ce qui fait qu'on soit pas devenus amis ? Ben, tu m'as quasiment jamais adressé la parole, Antoine. Tu t'intéressais pas à un type comme moi, c'est tout. On n'échange pas nos coordonnées ? Pourquoi on ferait un truc pareil ? Au revoir, Antoine. Bonne chance pour ton film. Au revoir, Camille. Camille ! T'as oublié ton journal ? On a découvert une nouvelle planète. La NASA a découvert une planète qui sera habitable. Ils l'ont baptisée Kepler 452b. Pas très poétique, hein ? C'est l'article que j'étais en train de lire quand t'es arrivé. C'était dans la cour du lycée. T'étais seul pour une fois, t'étais assis sur un banc comme t'es assis là. Je me suis avancé vers toi. J'avais l'intention de te parler. J'avançais avec cette phrase dans ma tête. Cette phrase que j'ai jamais oubliée, que j'avais l'intention de te livrer cet après-midi-là. Et quand je suis arrivé à quelques mètres de toi, t'as relevé la tête. Je sais pas si tu te souviens. Et moi, je me souviens très bien du regard que t'as posé sur moi. Alors j'ai renoncé. J'ai renoncé à cause de ce regard. On aurait dit que t'avais peur. J'ai baissé les yeux et j'ai changé de direction. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire, Camille ? T'imagines ? Une nouvelle planète habitable. C'était Kepler 452b de Sébastien Badbédé avec Igor Menjiski et Olivier Martineau. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levaché et Clémence Gross. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.